veux pas c'est me savate, mais j'ai appris à pas être une cible. Je me relève toujours de mes combats que cette salope de vie me livre. Je fais un triste constat, je prends conscience que t'en passes vite. Je fais face à la souffrance, qu'elle soit mentale ou physique. Donc laissez-moi dans mes pensées à croire que tout peut s'arranger, qu'il est temps pour moi de tout faire pour ne pas trébucher. J'suis bel et bien prêt à emmerder tous ceux qu'on a après moi. Dites-vous bien que j'ai la niaque, j'suis pas prêt de baisser les bras. Les gens parlent et je m'en tape, je sais que la roue tourne. Les gendarmes me lâchent hâte, ma carcasse comme des vautours. L'horizon m'apparaît bien plus sale que je pensais. Mon vécu de poissard, bien plus vrai que certains l'imaginaient. J'suis décidé, j'baisse la traîtrise des gens vicieux. J'viens balayer leur non maîtrise face à mon cœur froid et haineux. Moi j'suis un seul vape, ma liberté a un prix. J'te cache pas que ma rage envers l'état est indescriptible. Croyez pas, j'suis fouteur de merde de l'époque où ma seule devise était cette taille et dépouiller les pailles. Aujourd'hui j'suis plus réfléchi, prêt à m'engager. Dédicace aux frères qui me disent de ne pas lâcher. Serre-moi un verre, y'a des moments où le cœur n'y est pas. Dorénavant j'prends les devants, j'en ai marre de faire des faux départs. Mon but n'est pas si loin, mais des putes mettent des barrières. Comme ça tu veux faire un film, bah vas-y viens on en reparle hier. Moi j'ai plus le temps d'être à l'écoute des gens qui stop. Ma plume et un piano et tu planes plus qu'à Kingston. Frère j'ai l'esprit bien plus ouvert qu'une plaie. Écoute quand la rue s'exprime elle frappe et il reste vrai. J'ai passé l'âge des enfantillages et des clashs. Mon cartilage a frotté plus d'une fois à l'asphalte. Un mec à l'ancienne, 100% urbain. Les timbres portent plainte, je les envoie se promener près d'un ravin. Les gens se plaignent parce que je suis trop cru. Mais c'est peut-être parce que je suis trop rue. NOSS, un peu trop cru. Un mec à l'ancienne, et ouais, je suis trop rue. Tu veux que je te dise à dire vrai, je suis un type comme les autres, avec des passages à vide qui m'ont conduit à commettre des fautes. Je sais être calme ou bien enragé, mais dans tous les cas, je sais aussi être doux et même sérieux quand j'enregistre. Ce son-là n'est pas une perceuse, écoute quand je me confie. Je vois que les crasseuses qui n'attirent des conflits. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu ce qu'il a calèche. Je me suis même rangé quand l'avenir me paraissait bien lèche. Parmi tout ça, je n'oublie pas le peu qui me soutient. Les amis sont si peu, on dit que les traites se comptent par centaines. Certains te tendent la main et d'autres t'écrasent les doigts. J'oriente mon chemin, plus de pute sur ma trajectoire. Quoique, on sait pas ce que nous réserve demain. C'est peut-être la merde ou la vie dans un grand domaine. De la peine ou de la joie dans les yeux de ma mère. De l'amour ou de la haine pour cette musique que je fais. Pour cette musique que je fais. Pour cette musique que je fais. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? NOSS, à sauce de dingos. Mon écriture, extrait d'inconscience. Et mes blessures, les Ulysses, nos sponsors, hein.